إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 23 dans l'explication de Nawaqid al-Islam, les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et on arrive maintenant au point numéro 6 parmi les 10 points que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a clarifié dans son livre et avec les explications du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc le Cheikh il dit « قال الشيخ رحمه الله من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم C'est-à-dire que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit quiconque se moque ou se raille de quelque chose de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam ou de sa récompense ou de sa récompense ou de son châtiment, alors il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'islam. Et la preuve de ça, c'est le verset 65 et 66, en fait le verset qui est avant ça aussi, 64, 65 et 66 dans surat At-Tawbah. Le verset ça dit قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم c'est-à-dire dit au Muhammad à ces gens-là qui se sont moqués de la religion est-ce que c'est d'Allah de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez ne vous excusez pas vous avez certes mécru après avoir eu la foi l'explication du chef maintenant c'est le chef Saleh al-Fawzan il dit قال رحمه الله السادس أي الناقد السادس من نواقد الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا باب عظيم والذي قبله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبغض والكراهة من أعمال القلوب أما الاستهزاء فهو من أقوال اللسان وهذه الآية الكريمة جاء سبب نزولها أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك donc le cheikh il explique que le sixième point donc qu'on a expliqué c'est le fait de se moquer de quoi que ce soit de ce qui a rapport avec la religion que ça c'est quelque chose qui annule l'islam d'une personne et ça c'est un chapitre ou un point qui est très important hein. Et on a vu dans le point qui a précédé que quiconque détestait quelque chose de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté qu'il a mécru et là, le fait de détester hein, c'est quelque chose qui a rapport avec les actions du cœur, d'accord, tandis que le fait de se moquer c'est quelque chose qui a rapport avec les actions de la langue hein, et ça a rapport avec les actions de la langue. Ensuite le cheikh il explique maintenant la cause de la révélation de ce verset là dans surat at-tawbah. Le cheikh il dit هذه الآية الكريمة جاء سببها سبب في سبب نزولها أن جماعة من المسلمين كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاجتمعوا في مجلس فتلكم فتكلم واحد منهم فقال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك فقال لهذا الرجل كذبت ولكنك منافق لأخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم فقام ذاهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد أن الوحي سبقه ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره الله عز وجل بما قاله هؤلاء في مجلسهم أو قاله واحد منهم والبقية لم ينكروا عليه ولما نزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه هذا وركب راحلته ولما بلغه هذا القول الشنيع فجاء هذا الرجل الذي تكلم يعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على قراءة الآية أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لشيخ explique la raison pourquoi ce verset-là a été révélé. Le verset qu'on a mentionné, c'est 65 et 66 dans le Coran et dans Surat At-Tawbah. Donc, c'est parce qu'il y avait un groupe, des Sahaba, lorsqu'ils sont partis vers Tabouk, la ville de Tabouk, pour combattre les Romains qui se tenaient là-bas. Donc, en chemin, ils se sont réunis, certains d'entre eux, puis un d'entre eux a commencé à faire des blagues, il voulait se moquer, il voulait faire des blagues pour faire rire les autres. Alors il a dit, on n'a pas vu parmi, il a utilisé le terme qurra, on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire. En fait c'est les ulama parmi les sahaba, ceux qui ont mémorisé le Coran et qui lisent le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas vu parmi ceux-là quelqu'un qui avait, qui était plus gourmand, qui aimait plus manger, se remplir le ventre. Et plus menteur, qui avait des langues plus menteuses et qui était plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Et il parlait en disant ça du messager, sallallahu alayhi wa sallam, de ses sahaba, radiallahu anhum. Et donc, il y a un des jeunes qui était assis avec eux à ce moment-là, qui s'appelait Auf ibn Malik, c'était un jeune parmi les Ansar. Et lorsqu'il a entendu ça, il a dit à cet homme, tu as menti. Et certes, tu es un hypocrite, tu es un munafiq. Et il a dit, je vais informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ce que tu viens de dire. Alors, le jeune, Auf ibn Malik, s'est levé pour se diriger vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'informer de ce qu'il avait entendu de la part de celui-là. Puis, lorsqu'il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a réalisé que la révélation l'avait précédé. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu la révélation de ce qui s'était passé avant même qu'il ait le temps d'informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que ces hommes avaient dit dans leur assemblée. À propos de ce qu'un d'entre eux avait dit et que les autres qui étaient présents lorsque cette personne a dit cette chose-là ne se sont pas objectés à qu'est-ce que celui-là a dit. Donc, le cheikh il dit que lorsque ce verset-là a été descendu ou révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé et est monté sur sa monture. Et lorsqu'il a entendu lorsqu'il a entendu que cette parole-là avait été dite. Et donc, la personne qui avait prononcé ces paroles-là s'est dirigée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il avait dit. Et il a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, on ne faisait que discuter et en fait on parlait pour s'amuser, pour faire des blagues, et pour parce que quand on voyage, on trouve le temps long, donc on se raconte des blagues pour faire paraître le trajet moins long. Donc c'est des paroles qu'on se raconte comme ça en voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est même pas tourné vers lui, et l'homme était accroché à la selle de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tournait même pas vers lui pour le regarder, et il ne disait que les paroles du verset est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager, dont vous vous moquiez. Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. فقوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا دليل على أنهم كانوا مؤمنين وليسوا منافقين ودل على أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفر بعد إيمانه ويرتد عن الإسلام وهذا محل الشاهد من الآية إذ لو كانوا إذ لو كانوا قبل مقالتهم منافقين لم يقل قد كفرتم بعد إيمانكم لأن المنافقين ليسوا مؤمنين من الأصل فلا يسمون بالمؤمنين وإنما يسمون بالمنافقين وقد قال جل وعلا في الآية الأخرى في المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولم يقل بعد إيمانهم والإسلام معناه إعلان الدخول في الإسلام وإن لم يكن صادقا في قلبه فقد يكون كافرا في الباطن وإن كان يظهر الإسلام وهذا هو المنافق والآية ليس فيها أنهم كفروا بعد إيمانهم بل فيها كفروا بعد إسلامهم ففرق بين مجرد الإسلام وبين الإيمان للشيخ explique il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, dans le verset dans surat al-Tawba, verset 65 et 66, et ici en particulier 66, Allah il dit « قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ » Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et le cheikh explique qu'il y a dans ça, dans cette indication-là, dans ce verset, le fait qu'Allah dit qu'ils ont mécru après leur foi, ou après avoir eu la foi, ça indique une chose importante en fait, c'est que c'était des croyants avant d'avoir prononcé cette parole-là. Ce n'étaient pas des hypocrites, des munafiqins. Parce que les munafiqoun, Allah subhanahu wa ta'ala sait que dans leur cœur, ils ne croient pas. Et donc, étant donné qu'Allah sait qui sont les munafiqins et qui sont les mu'minins, Allah subhanahu wa ta'ala, si c'était des munafiqins, il n'aurait pas dit après leur foi, il aurait dit après leur islam. Parce que c'était juste une foi qui était en apparence. D'accord, ils appliquent l'islam en apparence alors qu'ils ne sont pas des croyants. Mais dans le verset, Allah, il a clairement indiqué qu'ils avaient la foi avant d'avoir dit cette parole. Et donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que quiconque se moque d'Allah ou de son messager ou de ce qui a été ramené par Allah dans la religion et par le messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a mécru après avoir eu la foi et qu'il a apostasié la religion de l'islam. Et c'est ça en fait le point qui est la preuve dans ce verset-là, c'est ce point-là. Le cheikh il dit donc que s'ils avaient été des hypocrites avant d'avoir dit cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas dit « vous avez mécru après avoir eu la foi » parce que les munafiqins, comme j'ai expliqué, ils ne sont pas des croyants à la base. Donc on ne les appelle pas mu'minin, on ne les appelle pas croyants, on les appelle munafiqins. Et dans un autre verset, dans la même surah, surah al-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des munafiqins, et ils ont certes prononcé une parole de kufr, et ils ont mécru après leur islam. Wa kafaru ba'da islamihim. Et il n'a pas dit ba'da imanihim, c'est-à-dire il n'a pas dit après leur foi. Ils ont mécru après leur islam. Et donc le cheikh explique que l'islam, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de déclarer qu'on entre dans l'islam, même si au fond de notre cœur on n'est pas réellement sincère lorsqu'on le prononce ou lorsqu'on le déclare. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » et qu'elle commence à pratiquer l'islam, qu'elle soit sincère ou non, nous on la considère musulmane. Parce qu'on peut uniquement juger par l'apparence et par l'extérieur. Toutefois, la personne peut être kafir dans son cœur, et uniquement montrer l'islam en apparence, et donc ça c'est le cas du munafiq. Et ici dans ce verset donc, c'est ça ce que le cheikh dit, laissa fiha annahum kafaru ba'da imanihim. Dans ce verset-là, dans l'autre verset, kafaru ba'da islamihim, qui ont mécru après leur islam, il n'y a pas d'indication qu'ils ont mécru après avoir eu la foi, mais plutôt après avoir uniquement prétendu posséder ou avoir prétendu être entré dans l'islam. Hein, et c'est ça qui distingue et qui nous montre qu'il y a une différence entre de prétendre être musulman, c'est-à-dire de juste montrer qu'on est dans l'islam, puis de réellement avoir la foi en l'islam, c'est deux choses différentes. فهذه الآية تدل على أمور عظيمة. Ce verset-là nous indique des choses ou des points qui sont très importants dans la religion. Et on va les voir un par un, et c'est très très important de bien les comprendre, ils sont très bénéfiques, inshallah. Le cheikh il dit premièrement, أولا أنه يجب احترام وتعظيم الله جل وعلا وإجلاله وأن من تنقص الله فإنه يكفر مثل ما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان المائدة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ومثل ما قالت النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم هذا تنقص لله وكفر بالله عز وجل. Donc, premièrement, il est obligatoire pour tous les musulmans de respecter Allah subhanahu wa ta'ala et d'exalter et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de le respecter au plus haut point et de ne pas le rabaisser dans quoi que ce soit. Contrairement aux paroles de kufr, par exemple, que prononçaient les juifs, comme par exemple lorsqu'ils disaient, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leurs paroles dans le verset 64 dans Surat al-Ma'idah, ils ont dit que la main d'Allah était fermée. Et quand ils disent que la main d'Allah est fermée, ils veulent dire par là que Allah est avare, hein, il ne veut pas donner de ses grâces et de ses biens. Et à cause de ça, ils ont été maudits pour avoir dit ça. Hein, et c'est leurs mains à eux qui ont été fermées, hein, et ils ont été maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé plutôt que ses mains sont largement ouvertes et qu'il donne avec générosité à qui il veut. Et ensuite, il mentionne le verset 171 dans Surat Al-Imran, qui mentionne encore une fois la parole des Juifs lorsqu'ils ont dit que Allah est pauvre et que eux ils étaient riches. Hein. Et aussi le verset 17 dans Surat Al-Ma'idah qui mentionne la parole des chrétiens où ils disent que Allah est Al-Messih ibn Maryam. Ils disent que le Messie c'est Allah. Hein. Donc ça c'est des exemples d'insultes que les Juifs et les chrétiens ont dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont fait en sorte que sont devenus des kuffars pour avoir rabaissé Allah subhanahu wa ta'ala et manqué de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui fait le shirk, qui fait le kufr, en principe c'est une forme d'insulte, c'est considéré comme une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Et donc et ça c'est très important de comprendre ça. Ensuite, deuxièmement, ثانيا أن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أيضا لأن الله جل وعلا أمر بتعظيمه بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا والرسول صلى الله عليه وسلم ينادى بالرسالة يا رسول الله يا نبي الله ولا يقال يا محمد باسمه وإنما يخاطب بالرسالة والنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالله جل وعلا يخاطبه باسم الرسالة والنبوة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ولم يذكر اسمه إلا في مقام الإخبار لا في مقام النداء. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا إخبار. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وهذا من باب الإخبار. Donc le cheikh explique ici que c'est important de respecter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas lui manquer de respect ou de l'insulter ou le dénigrer ou le rabaisser. Quiconque manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un kafir. Et le cheikh il mentionne les premiers versets de surat Al-Hujurat, versets 1 à 5. On va les lire ensemble, inshallah. Ô vous qui avez cru, ne dépassez pas Allah et son messager. Et craignez Allah, Allah est omniscient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Et d'élever la voix au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, ça c'est quand les sahaba étaient près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après sa mort, les mufassirines, les savants tafsir, ils ont expliqué que ça signifie que tu mets pas tes positions, tes opinions personnelles ou quoi que ce soit de ces choses-là au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit: ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils ont un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas, et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est des versets qui nous montrent le respect à avoir envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi dans Surat al-Nur, le cheikh il mentionne un autre verset qui dit: ne mettez pas l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il vous appelle au même niveau que lorsque vous vous appelez les uns les autres. C'est comme si vous ne pouvez pas considérer que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait quelqu'un, quand les sahaba ils se faisaient appeler par les uns l'un par l'autre, c'est pas la même chose que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous appelle. Et donc ça c'est pour montrer qu'on a besoin de montrer beaucoup de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit que lorsqu'on parle du prophète, on doit l'appeler par le fait qu'il a reçu un message, en disant: ô messager d'Allah, ou ô prophète d'Allah. Les sahaba quand ils s'adressaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne disaient pas Muhammad, ô Muhammad. Peut-être qu'il y a des bédouins, parfois des bédouins qui venaient du désert ou qui n'étaient pas habitués aux règles de politesse, des fois ils arrivaient puis ils disaient ya Muhammad. Mais en général les sahaba ils avaient toujours le plus haut respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne parlaient pas de lui excepté en disant messager d'Allah ou prophète d'Allah. Et aujourd'hui il y a des catégories de modernistes qui écrivent des livres qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui manquent absolument de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même vous voyez par exemple ils écrivent des biographies du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils parlent de lui comme si c'était un homme comme les autres, et ils n'écrivent même pas sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils parlent de lui, ils vont écrire sur la couverture du livre la vie de Mohammed, comme ça. Et ça, c'est pas permis, bien sûr, parce que on n'a pas donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le respect qui lui revient, et de l'appeler par le fait qu'il est un prophète, et d'envoyer la paix et le salut sur lui. Et il y en a parmi les gens d'aujourd'hui, parmi les munafiqines, ces groupes-là qui essaient quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de lui comme si c'était un homme comme les autres, comme si c'était même pas un prophète. Hein. Et il y en a même parmi les koufars, parfois vous allez entendre, qui vont dire à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui sont soi-disant en apparence des louanges et des glorifications, mais qui cachent en arrière un rejet, une forme de kufr, yani, subtil. Hein, comme le frère il mentionnait l'autre jour, ils disent par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un grand homme, hein, certains des koufars ils disent ça, comme je ne sais pas si c'est Victor Hugo ou d'autres parmi les koufars qui ont écrit des livres, et dans leurs livres parfois ils ont dit des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont en apparence des belles choses, mais qui indirectement indiquent qu'ils ne croient pas qu'il est un messager d'Allah. Hein, qui nie qu'il est un prophète et un messager d'Allah. C'est-à-dire, oui, c'était un homme intelligent, c'était un grand homme, un grand guerrier, un homme qui savait gérer les choses de l'État. Il parle de lui comme si c'était un homme politique ou un grand homme, un grand personnage historique, c'est tout. Pas comme si c'était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient avec la révélation d'Allah et qui dit la vérité. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce genre de glorification là qui cache indirectement une moquerie en fait de leur part, parce que s'ils croyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à ce point un grand homme et qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors c'était obligatoire pour eux dans ce cas là de croire en son message et de suivre l'islam, de se soumettre à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les glorifications des koufars lorsqu'ils indiquent qu'ils respectent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils refusent de croire en son message et de le suivre. Non, donc il y a ça, et donc le cheikh il dit que quand on trouve par exemple dans le Coran, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que lorsqu'il s'adresse à lui, il dit toujours « Ô messager d'Allah, Ya ayyuha rasoul, ô toi le prophète » ou bien il dit « Ya ayyuha nabi, ô toi le prophète » ou « Ô toi le messager ». Mais des fois, c'est-à-dire ça c'est quand il s'adresse à lui, puis ça nous indique que nous, lorsqu'on s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit s'adresser de cette façon-là. Bien entendu, on ne va pas s'adresser à lui puisque là maintenant il n'est pas vivant, hein. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de s'adresser à lui comme s'il était vivant maintenant. Sauf que c'est pour expliquer que à son époque, ou bien quand on parle de lui, on parle de lui en disant qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit pas qala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un exemple. Et puis mais Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous informe à son sujet, parfois il dit par exemple comme dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab, et Muhammad n'était pas le père d'aucun d'entre vous hommes, mais il était le messager d'Allah et le dernier des prophètes, celui qui est venu sceller et terminer la prophétie. D'accord? Donc on voit que ici, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous informer du fait qu'il est le dernier des messagers, eh ben il mentionne son nom. Ou bien dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui ont cru en ce qui a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la vérité qui vient de son Seigneur. Donc le cheikh il dit que ça c'est Allah qui nous informe et qui nous dit qu'il est son messager. Donc dans ce cas-là, ça c'est Mimbab al-Ikhbar comme il dit. Toutefois quand on s'adresse à lui, il faut s'adresser à lui en disant messager ou prophète. C'est ce qu'il dit ensuite. Il dit « Amma al-muqataba, fayuqatab al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam bismi al-Nubuwa sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-Risala, wa la taqul qala Muhammad, wa innama taqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aw taqul qala Nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala, fal-lazina amanu bihi, ay al-Rasul, wa azzaruhu, ay waqaruhu, wa ta'zir, يطلق فيراد به التوقير والاحترام ويطلق ويراد به التأديب مع تعذير المخطئ وليس هذا هو المراد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المراد التوقير والاحترام وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقوله وتعزروه وتوقروه هذا راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو الواجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ يزيد عنك كما نحن qu'on doit, quand on s'adresse, ou quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quand on s'adresse à lui, on dit le messager, ou on dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on ne dit pas Muhammad a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il mentionne le fait que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire qui ont cru au messager, et qu'ils l'ont « azzarouhu », c'est-à-dire qu'ils l'ont respecté, qu'ils l'ont honoré, hein, qu'ils ont eu du respect pour lui. Et donc c'est pour montrer qu'on doit au prophète sallallahu alayhi wa sallam du respect. Comme le verset 9 dans surat al-Fath, qui indique qu'on doit avoir du respect pour lui. « Ta'zir » et « At-tawqir ». Ça fait partie des termes qui indiquent qu'on doit avoir du respect, un grand respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin du verset, parce qu'il y a une partie, Allah dit « لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ » Ça c'est pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis la fin du verset « وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » Ça c'est pour Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la louange est uniquement pour Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la glorification est uniquement pour Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le respect, les deux termes qui sont utilisés avant s'adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est pour distinguer le droit qui est au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le droit qui est à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. ثالثا أن الواجب نحو القرآن احترامه وتعظيمه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه لأنه من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى فالواجب احترام كتاب الله وتعظيمه وتوقيره. الشيخ dit que maintenant par rapport au Coran, l'obligation pour nous c'est de respecter le Coran et de l'exalter et d'avoir un grand respect pour lui parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mérite qu'a la parole d'Allah par rapport aux autres paroles ou aux paroles d'autres que la celle d'Allah, c'est comparable à la parole c'est pas comparable en fait au mérite qu'Allah a lui-même par rapport à sa création. Parce que la parole d'Allah, c'est une attribut d'Allah, ça fait partie de ses attributs. Et donc c'est obligatoire pour nous de respecter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est le droit que le Coran a sur nous, qu'on le respecte. رابعا أن الواجب احترام دين الإسلام وعدم تنقصه أو انتقاد شيء منه لأنه دين الله وشرع لأنه دين الله وشرعه فلا يجوز لأحد أن ينتقد هذا الدين أو يتنقصه أو يتكلم فيه بكلام فيه تنقص واستهزاء وسخرية فهذا هو الواجب نحو الله جل وعلا ورسوله نعم وصلى الله عليه وسلم ونحو دين الإسلام. Le Cheikh explique ici que en général également on doit avoir un grand respect pour l'islam en général parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et on n'a pas le droit donc de manquer de respect envers cette religion là ou de la diminuer en quoi que ce soit parce que c'est la religion d'Allah et c'est sa législation et donc il n'est pas permis à personne de rabaisser quoi que ce soit de ce qui fait partie de l'islam. C'est pas juste de dire par exemple je respecte l'islam puis certains aspects de l'islam tu t'en moques hein, ou tu fais des blagues avec en voulant dire non je respecte l'islam en général puis certains aspects de l'islam c'est correct de s'en moquer. Non, c'est la religion au complet que tu dois respecter et même s'il y a des aspects dedans que certaines personnes ne comprennent pas, ça ne leur donne pas par exemple la justification de s'en moquer ou de rejeter des choses qui font partie de cette religion-là. Parce qu'on voit des gens parfois, ça arrive des fois par ignorance de leur part, ils ne savent pas que c'est certaines choses font partie de l'islam, puis ils s'en moquent. Hein? Ou bien ils parce qu'ils ont entendu des gens d'État ou des égarés qui niaient ces choses-là, puis ils s'en moquent par la suite, parce qu'ils ignorent que c'est des choses qui font partie de l'islam. Mais il y en a d'autres parmi les koufars, clairement, qui s'en moquent directement et qui savent que ça fait partie de l'islam. Comme par exemple, le niqab. Il y a des gens qui pensent que vous l'appelez sitar ici, hein, le sitar, hein, quelqu'un, la femme qui couvre son visage. Eh ben, il y a des gens qui se moquent de ça. Et parmi les soi-disant savants de l'islam qui disent que c'est une bid'a, ou qui disent que c'est pas permis dans l'islam, imaginez. Donc, si des gens arrivent à ce point-là, dans leur ignorance et dans leur égarement, eh bien, il y a des gens, malheureusement, parmi les musulmans qui écoutent ces soi-disant savants-là, et quand ils les écoutent, ils répètent ça par la suite, et étant donné qu'ils ont entendu que c'était des savants qui ont dit ça, ils croient que c'est vrai. Et ils se mettent parfois même à se moquer des femmes musulmanes qui portent le sitar, et qui sortent dans la rue avec le niqab ou avec le visage couvert. Et ils pensent que c'est de l'extrémisme ou de l'exagération dans la religion. Et donc, ils se moquent de quelque chose qui fait partie de la sunna, qui fait partie de l'islam. Hein, et qui est mentionné dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le fait de nier ça, c'est, ou de se moquer de ça, ça représente une forme de kufr, yani. Mais étant donné que ces gens-là pensent que ces choses-là ne font pas partie de l'islam, ils sont excusés à cause de leur ignorance là-dessus, à ce sujet-là. Toutefois, yani, s'ils apprennent que c'est quelque chose qui fait partie de l'islam, et qu'ils ont vu les preuves, et qu'ils continuent à s'en moquer, alors là, bien entendu, c'est, ce sera autre chose dans ce cas-là. Et donc, il faut pas se moquer de rien, il faut pas se moquer de rien de ce qui a rapport avec l'islam, et il faut pas manquer de respect envers rien de ce qui est dans l'islam. Hein? Et ça, c'est obligatoire. Et le cheikh il dit ensuite, خامساً أنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيرها واحترامها لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وحي من الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فيجب احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز انتقادها والاستهزاء بشيء منها ومن فعل ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام. Le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour quelqu'un de respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir le plus grand respect et d'honorer cette sunna. Et parce que c'est la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sunna c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il ne parle pas selon sa passion, c'est uniquement une révélation qui lui est faite, qui lui est révélée. C'est les versets 3 et 4 dans Surat al-Najm. Donc, le cheikh, il dit, c'est obligatoire donc de respecter la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas s'en moquer ou de ne pas rabaisser quoi que ce soit de cette sunna. Et quiconque se moque de ce qui fait partie de la sunna ou qui fait partie de l'islam en général, alors il a quitté l'islam, il a apostasié l'islam. Et il y a beaucoup de gens parfois, comme on disait aussi, qui se moquent des aspects de la sunna. Que ce soit, par exemple, des choses qui font partie de l'islam, comme la barbe, ou comme, par exemple, le fait de porter le qamis, et de porter en haut de la cheville, de couper les trucs, les pantalons ou les qamis en haut de la cheville, ou bien que la femme porte le jilbab, ou qui se moque de plusieurs choses comme ça qui font partie de l'islam et de la sunna. On n'a pas le droit de se moquer de ces choses-là. On n'a pas le droit de se moquer de ces choses-là parce que ça fait partie de l'islam. Et donc, quelqu'un ne doit pas dénigrer ou se moquer de quoi que ce soit de ce qui a rapport avec la religion d'Allah. Sixième point. احترام العلماء لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم والله رفع من شأنهم وأعلى من مكانهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهؤلاء والعياذ بالله وقعوا في هذه الجريمة تكلم هذا الرجل الشقي قال ما رأينا مثل قرائنا يعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشمل لفظ القراء في ذلك الوقت العلماء لأنه كان في ذاك الوقت الذي يقرأ القرآن يكون عالما. أما في زمان المتأخر فقد يكون القارئ لا يفهم شيئا من معاني القرآن ولا يفقه إلا ولا يفقه وإنما يجيد القراءة فقط، لأنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. أما في الزمان الأول فالقراء هم الفقهاء، فقوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أي العلماء، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. الشيخ explique ici qu'il est obligatoire également, comme sixième point, de respecter les savants de l'islam, les ulama de l'islam, parce qu'ils sont les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés en degré et en respect. Hein, il dit dans surat Al-Mujadala, le verset 11, qu'il a élevé ceux qui ont cru et qui ont reçu la science en degré. Il a élevé ceux qui ont cru et qui ont reçu la science en degré. Donc c'est pour faire comprendre que les savants sont respectés, ils doivent être respectés. Et aujourd'hui malheureusement il y a des gens qui manquent de respect envers les ulama et qui les dénigrent et qui les rabaissent, hein, et qui les considèrent comme étant rien. Hein, et en particulier parmi ceux qui se disent laïcs, parmi les musulmans qui se disent laïcs, on les voit manquer de respect envers les savants et envers les ulama, et ils considèrent qu'ils ne servent à rien, ils ne valent rien. Hein, ils croient qu'ils sont juste, comme ils utilisent des termes comme ulama, haïd ou nifas, et des trucs comme ça, pour dire que c'est des gens qui connaissent juste les règles en rapport avec les menstruations, les trucs de ce genre. Ça, c'est des façons de rabaisser les ulama de la part de ces gens-là. Ou d'autres trucs qu'ils utilisent comme ça pour attaquer ou pour rabaisser les ulama. Donc, le cheikh il dit, et ceux-là, c'est-à-dire ceux qui étaient mentionnés dans le verset qu'on a mentionné dans Surat At-Tawba au début de ce cours, on a expliqué qu'ils avaient attaqué les ulama justement de cette façon-là, en se moquant d'eux. Et comme l'homme qui avait parlé, qui avait dit, on n'a pas vu parmi ceux-là qui récitent le Coran, et quand il dit ceux qui récitent ou qui lisent le Coran, il parle du messager d'Allah et de ses compagnons. Parce que le terme Al-Qurra, ça veut dire les récitateurs ou ceux qui lisent. Hein, et le cheikh explique que à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on disait le mot Qurra ou les récitateurs, eh bien à l'époque les récitateurs c'était eux les savants du Coran, c'était eux les savants de l'islam. Hein, c'est pas comme aujourd'hui, quelqu'un qui récite le Coran peut être un ignorant, c'est-à-dire peut être quelqu'un qui connaît rien du tout du Coran. Il sait juste comment le réciter avec une belle voix, c'est tout. Il l'a mémorisé et il sait le réciter, mais il connaît rien des règles, il connaît rien de la compréhension et du fiqh de ce Coran. Et donc, ça c'est l'exemple aujourd'hui par rapport à ceux qui récitent le Coran. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les khawarij de cette façon-là en disant qu'ils récitent le Coran mais ça dépasse pas leur gorge, parce qu'ils n'ont aucune compréhension, ils ne retournent pas à la compréhension que les sahaba possédaient du Coran. Donc c'est la différence entre être un qari aujourd'hui et être un qari à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit qu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui savaient lire et qui récitaient le Coran, c'était des savants de l'islam, parce qu'ils étaient témoins de la révélation, ils le récitaient, ils le connaissaient, ils savaient dans quelle occasion il était révélé, dans quelles circonstances il était révélé, à propos de qui il était révélé, et l'explication comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué ce verset, ils l'avaient vu, ils en étaient témoins, et ils savent aussi comment l'appliquer eux aussi, dans quelles circonstances ça s'applique, etc. Donc ils savent qu'est-ce qui est abrogé, qu'est-ce qui n'est pas abrogé, ils connaissent tout ce qui a rapport avec le Coran, et donc ils sont déjà des savants, juste parce qu'ils ont été témoins de tout ça. Et donc, ça nous fait comprendre que quand ils ont dit ça, quand cette personne-là a dit ça à propos des sahaba qui récitaient le Coran ou qui mémorisaient le Coran ou qui lisaient le Coran, c'est en fait qu'il attaquait les savants de l'époque, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le cheikh dit وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الَّذِي يَتَنَقَّسُ الْعُلَمَاءَ مِنْ أَجْلِ عِلْمِهِمْ فِي أَيِّ وَقْتٍ أنه يدخل في معنى هذه الآية الكريمة، ولهذا لأن هذا قال ما رأينا مثل قرائنا، والقراء هم العلماء، وهذا يتناول العلماء في كل وقت، والعلماء لهم احترامهم وإجلالهم لأنهم يحملون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحملون العلم ويبلغونه إلى الناس، فيجب احترامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال صلى الله عليه وسلم إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فالعالم له قدره، والمراد العالم بشرع الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل خشية الله، لأنهم يعرفون الله حق المعرفة، فهم يجلونه ويعظمونه ويخشونه، كلما زاد علم الإنسان زادت خشيته لله عز وجل، فيجب احترام العلماء وتوقيرهم، فمن تنقصهم فإنه يكون داخلا في معنى هذه الآية أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Le chef dit on doit prendre de ce verset que quiconque rabaisse les savants à cause de leur science, peu importe à quelle époque ils le font, alors ils entrent dans le verset qu'on a mentionné dans Surat At-Tawbah de ceux qui se sont moqués de la religion. On explique ici, on dit que, c'est-à-dire, ils se moquent des savants à cause de la science que ces savants-là possèdent et qu'ils transportent avec eux dans leur cœur. Hein, donc quiconque se moque des savants à cause de la science qu'ils ont dans leur cœur, ça représente une forme d'insulte envers la religion et envers l'islam, et donc c'est une forme de kufr. Il rentre dans ce verset-là. Toutefois, comme on va le voir dans les questions et les réponses à la fin de ce point-là, le cheikh il explique que si quelqu'un se moque d'une personne, d'un musulman, qu'il soit savant ou non, pour quelque chose qui a rapport avec sa création, sa personne, hein, pas son ilm, mais sa personne, et bien ça c'est sûr que c'est haram, que c'est un péché, mais ça rentre pas dans le kufr, puisque c'est pas comme s'il se moquait de cette personne-là à cause de son ilm, mais uniquement il se moque de cette personne à cause de son apparence ou des choses de ce genre. Et ça rentre pas dans la catégorie ou la chose qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Mais c'est ça ce que le cheikh il dit, que regardez la personne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé mal contre les sahaba et qui a dit des moqueries sur eux, eh ben ils ont été considérés comme étant des kuffars à cause du fait qu'ils ont parlé contre eux, parce qu'il a parlé contre les qurra, et les qurra c'est les ulama. Donc c'est les ulama de toutes les époques, et que c'est obligatoire de les respecter et d'avoir pour eux le terme, il y a plusieurs termes mentionnés ici, mais en français je vois que le meilleur terme c'est le respect, peu importe, c'est des synonymes en fait. Pourquoi on doit les respecter? Parce qu'ils portent en eux le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils transportent cette science en eux et ils la transmettent aux gens, et donc ça nous oblige à les respecter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths, par exemple il mentionne un ici, le cheikh il dit le mérite ou l'excellence ou le mérite que le savant a par rapport aux adorateurs qui ne sont pas des savants, c'est comme la comparaison de la lune par rapport aux autres étoiles. Hein. La lune est grande par rapport aux petites étoiles, et bien le savant c'est ça sa comparaison par rapport aux gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne sont pas des savants. Et il mentionne un autre verset, un autre hadith. Ce hadith est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah et d'autres livres également. Et il y a un autre hadith qui mentionnait que le alim, le savant, tout demande pardon pour lui. Même le poisson dans la mer demande pardon pour le savant. Donc c'est pour montrer à quel point le savant a un honneur, a droit à à un honneur et doit être respecté. Et il dit que le savant, donc, il a, il mérite le respect. Et quand on parle de savant ici, comme le cheikh l'indique, on parle des savants de la religion, des savants du Coran, des savants de la Sunna, des savants de la Sharia, non pas des savants, des gens qui possèdent de la connaissance de la dunya, ou des sciences naturelles, ou des trucs comme ça. Parce que ça, c'est pas nécessairement quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de koufars, il y a plein d'athées, des gens qui croient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des scientifiques dans la dunya, des choses de la dunya, et puis pourtant c'est les pires ignorants à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pas eux qui sont mentionnés dans ce verset-là. Toutefois, vous trouvez certains laïcs ou certains modernistes parmi des groupes de modernistes qui essaient d'interpréter le verset إنما يخشى الله من عباده العلماء en essayant de faire croire aux gens qu'on parle ici des savants, de ceux qui connaissent les scientifiques qui connaissent les choses de la dunya ou qui connaissent un peu les sciences modernes. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est uniquement les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et on parle ici, bien entendu, de la crainte qui vient du fait de connaître sa religion, premièrement de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître sa religion et de connaître ses ordres, de connaître ses noms et ses attributs, de connaître sa sharia, de connaître ce qu'il nous demande. Donc le cheikh il dit que plus une personne augmente en connaissance et en science de Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion, alors plus il augmente en crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit que c'est pour ça qu'on doit respecter les savants et avoir savoir les honorer et ne pas les rabaisser. Et que ça rentre dans la signification que si quelqu'un les rabaisse, il rentre, à cause de la science qu'il possède, eh bien, il rentre dans le verset qui dit est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez. Hein? Et puis, bien entendu, il y a lui-même, il faut respecter et avoir de l'honneur pour envers les ulama et les savants de l'islam. Puis, des fois, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont perdu parfois le respect envers les ulama? C'est les mubtadi'a. Les mubtadi'a, ils ont, étant donné qu'ils donnent une mauvaise image de l'islam et de la sunna, et qu'ils vendent parfois leur religion pour quelque chose de la dunya, certaines personnes qui ne savent pas distinguer entre les ulama de la sunna et les ulama de la bid'a, eh ben, ils regardent tous les gens en apparence et ils pensent que tous sont pareils. Et donc, ils perdent le respect envers les ulama à cause des gens de bid'a qui donnent une mauvaise image aux ulama et à l'islam. Et donc, c'est important donc de faire connaître aux musulmans en général qui sont leurs ulama, qui sont les ulama de cette umma qui supportent et défendent et élèvent la sunna à toutes les époques, hein, pour qu'ils puissent avoir une belle image de leur ulama et une belle image de cette religion par la suite et avoir du respect pour les ulama, hein, et de leur mentionner qui sont ces ulama-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont considérées par certains comme étant des ulama, hein, alors que ce sont des mubtadi'a, alors que ce sont des gens qui connaissent rien de la sharia, alors que ce sont des gens qui mentent à propos d'Allah et à propos du Coran et à propos de la sunna et qui disent des choses fausses ou qui inventent des choses dans la religion. Et les gens qui n'ont pas, disons, cherché la science, eh bien, ils ne sont pas toujours capables de distinguer. Alors, qui sont les gens qui appellent à la vérité et qui sont ceux qui appellent au mensonge parmi ces gens-là? Et donc, c'est important de faire diffuser, de faire circuler parmi les gens la connaissance et l'explication de qui sont les ulama, qui sont les savants de la sunna et qui sont les ulama de la bid'a, pour que les gens par la suite seront capables de faire la différence entre les deux, pour pas se faire tromper par la suite par ces gens-là. Ensuite, le cheikh il dit ça, juste avant de passer sur ce point-là, il y a des points aujourd'hui, subhanallah. Aujourd'hui, il y a des gens qui appellent à dire, par exemple, il faut avoir un islam de tel pays. J'en ai parlé déjà. ceux qui disent qu'il faut avoir l'islam de France, hein, ou l'islam du Québec, ou l'islam de d'autres pays. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent aux gens, ces gens-là? Ils n'ont pas besoin d'avoir des fatwas de savants qui vivent dans d'autres pays musulmans. On peut avoir nos propres savants ici, qui sont formés ici, et qui vont enseigner l'islam pour les gens d'ici. Hein. Et donc, c'est une façon qu'ils utilisent en fait pour couper les gens de la science et des savants de l'islam, parce que ils s'imaginent que le fait que les savants qui sont le fait que des savants de l'islam vivent dans les pays musulmans, eh ben ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas comprendre nos problèmes, et donc ils s'imaginent que ça veut dire qu'étant donné qu'ils vivent là-bas, ils ne peuvent pas comprendre nos problèmes, donc il ne faut pas se référer à ceux-là, il faut se référer à ceux qui sont ici. Hein, et bien entendu, ceux qui sont ici et qui sont considérés souvent comme, par les gens comme étant des ulama, souvent ne sont même pas des ulama. Ils n'ont même pas la science et les outils nécessaires pour comprendre et pour faire des fatwas et pour faire des ijtihad. Donc ils font uniquement des fatwas selon leur passion, selon leur désir, pour permettre aux gens de faire ce qui leur plaît. Et donc, c'est important de comprendre que même si les savants de l'islam vivent dans des pays éloignés, dans des pays musulmans, hein, où ils ne sont pas nécessairement au courant de tous les détails de comment fonctionne la société. Ça n'empêche pas qu'on peut se référer à ces savants-là, et ça n'empêche pas que même c'est obligatoire de se référer à ces savants-là quand on a des questions à poser, parce qu'ils ont la connaissance de la charia. Hein. Même si quelqu'un ici connaît les détails de la société mais qui ne connaît pas la charia, il ne peut pas faire une fatwa. Hein. De même que les savants qui sont là-bas, eux ils ont le ilm de la charia, ils connaissent l'islam, et puis s'ils ne connaissent pas les détails de comment ça fonctionne ici, eh bien on a juste à leur expliquer dans la question qu'on leur pose et leur détailler et leur clarifier comme il faut la situation. Et si on leur explique et on leur détaille comme il faut la situation, eux par la suite ils vont nous donner une réponse qui correspond à ce qu'on leur a donné de renseignements et d'informations sur notre situation. Et plus notre clarification, plus notre question va être précise et claire et détaillée, plus la réponse de ce savant-là va être claire et détaillée également, puis en accord avec la réalité dans laquelle on vit. Hein, sans que ce soit une photo qui va être donnée pour que ce soit en notre faveur ou que ce soit pour nous faire plaisir. Hein, parce qu'il y en a, c'est ça, des fois on remarque l'attitude de certains qui disent « Ah, ces gens-là, ces savants-là, ils ne connaissent pas la réalité européenne, ou ils ne connaissent pas la réalité canadienne, ou la réalité européenne. » Pourquoi ils disent ça? Parce que le cheikh a donné une fatwa qui est contraire à sa passion. Alors il veut pas accepter la parole du savant et il dit il comprend pas la réalité de la société européenne. Et ça c'est des menteurs. Hein. Ceux qui disent fiqh al-waqi, hein, on appelle à fiqh al-waqi ceux qui comprennent la réalité. Et donc c'est très important de comprendre que fiqh al-waqi comprendre la réalité d'une société, c'est pas suffisant pour être un savant, il faut avant tout connaître la charia. Et l'waqi, si on la connaît pas, quelqu'un peut nous l'expliquer, et une fois qu'elle est clarifiée, par exemple, par la suite, le savant pourra expliquer la réponse à ce sujet-là. Donc, ne vous laissez pas tromper par ces gens-là, avec ce genre de choubourette. Ensuite, le chef dit comme septième point, « احترام عموم المسلمين أفرادا وجماعات » En septième point, il faut respecter tous les musulmans en général, que ce soit des individus ou que ce soit des groupes, et c'est-à-dire des populations, des catégories. Et on n'a pas le droit de dénigrer ou de rabaisser un individu musulman ou des groupes de musulmans. Si quelqu'un se moque des musulmans, hein, fait des blagues sur les musulmans, eh ben ça représente une forme de moquerie envers l'islam en même temps. Hein. Et les koufars, ils se moquent des musulmans. Hein. Mais si par exemple quelqu'un se moque d'une caractéristique physique ou en apparence d'un musulman, un individu musulman, ou bien d'un groupe qui n'a pas rapport avec l'islam directement, dans ce cas-là, ça c'est pas considéré comme une forme d'apostasie ou de rejet de l'islam. Sauf que c'est interdit pour nous de se moquer des gens comme ça. Comme par exemple, si quelqu'un se moque des cheveux d'une personne, ou qui se moque par exemple de, par exemple, la forme de ses oreilles, par exemple, supposons que quelqu'un a des grosses oreilles, quelqu'un commence à se moquer de lui parce qu'il a des grosses oreilles, ou parce qu'il est petit de taille, qu'on va se moquer de lui, ah t'es petit, ou quelqu'un qui est grand, ou qui a des longs bras, qu'on va commencer à se moquer de lui parce qu'il a ça. Ça c'est pas permis dans l'islam de se moquer des gens de cette façon-là, parce que c'est Allah qui les a créés de cette façon. Toutefois, si quelqu'un se moque de cette façon-là, il va, ça veut pas dire qu'il sort de l'islam, c'est juste un péché, hein, c'est haram de faire ça. Donc ça c'est important de comprendre ce point-là. Thaminan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin, afa an yakunu khayran minhum. Oh vous les croyants, qu'un groupe d'entre vous ne se moque pas d'un autre groupe, ça se peut qu'il soit meilleur que vous. Donc, et la même chose pour les femmes par la suite. Donc, ça fait partie de ces choses-là. Thaminan, huitièmement, min al-ajab, anna alladhi takallama fil majlis واحد والله عما الحكم فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نسب الاستهزاء إليهم جميعا لماذا؟ لأنهم لم ينكروا فعمهم الحكم لأنهم لما سكتوا على المنكر صاروا شركاء مع فاعل المنكر ولهذا لما أنكر عليهم هذا الشاب برئ من الإثم وأنزل الله تصديقه في كتابه أما هؤلاء فلم ينكروا فدل أن الذي يحضر مجالس الكفر والاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء ولا ينكر فيتناوله الحكم قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فدل على أن الذي لا ينكر سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو سب الدين أو سب العلماء أنه يكون مثل الساب سواء بسواء لأن الله نسب الاستهزاء إلى المجموعة مع أن المتكلم واحد. Le cheikh explique ici un point très très important. Il dit que c'est étonnant de quand on lit le verset puis on comprend la cause de la révélation, on remarque que la personne qui avait parlé dans l'assemblée, c'était une personne qui avait la blague. Et Allah subhanahu wa ta'ala pourtant a fait descendre le verdict ou le décret au sujet du groupe en entier, en disant est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez, tastahzi'un au pluriel. Et le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a ramené la moquerie ou le fait de se moquer à tout le groupe qui était présent. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas dénoncé ou il n'avait pas rejeté ou il ne s'était pas objecté à la personne lorsqu'elle a fait cette blague. Ils se sont tus devant ce péché-là et cette chose-là, et donc ils sont devenus des complices, avec cette personne. Et aujourd'hui, la complicité, Allah al-Musta'an, c'est très grave parmi les musulmans, souvent, quand ils savent que quelqu'un est en train de faire un péché ou un crime, et puis ils le cachent, la personne, dans son crime, et ils couvrent la personne dans son crime. Ça, c'est en dehors du contexte, c'est pas nécessairement relié à ça. Mais en général, il y a des gens qui pensent que parce que quelqu'un est musulman et qu'il fait un crime, tu dois le cacher, tu dois le protéger dans son crime et tu dois pas le dénoncer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque protège un criminel, alors il a la malédiction d'Allah, des anges et des hommes en entier. Hein? Donc on n'a pas le droit de protéger ou de couvrir un criminel lorsqu'il est recherché. Et il y a beaucoup d'autres choses à ce sujet-là. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même à propos de sa propre fille, il a dit, si ma propre fille avait volé, j'allais lui couper la main. Hein, donc ça veut dire que peu importe, même si c'est quelqu'un de ta famille et que tu dois dire la vérité à son sujet parce qu'elle est dans, elle a fait quelque chose qui mérite une punition, et bien dans ce cas-là, il faut pas hésiter de la dénoncer. Mais là, on parle d'un autre contexte qui a rapport avec ce verset-là, et c'est que lorsque tu es assis avec des gens puis qu'il y a une personne dans le groupe qui se moque de l'islam ou qui fait des blagues sur l'islam ou sur les musulmans ou sur le Coran ou sur la Sunna ou quelque chose de la religion, et que tu entends ça puis que tu réagis pas et que tu fais rien et que tu restes avec eux, eh bien tu es compris dans le fait que tu t'es tu, tu n'as pas parlé, tu n'as pas dénoncé, tu n'étais pas objecté devant ça, et donc tu es compris dans ceux qui se sont moqués également, tu es complice avec cette personne. Et il y a uniquement le jeune, hein, Auf ibn Malik, qui avait dénoncé cette parole-là, et lui, il a été innocenté. Et le Coran a confirmé ce qu'il avait dit par la suite. Mais les autres, qui n'avaient pas dénoncé ou qui ne s'étaient pas objectés devant cette blague ou devant ces paroles de moquerie contre la religion et contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les ulama, alors ils ont tous été compris dans le verset parce que ils n'ont pas rejeté ou ils ne se sont pas objectés lorsque la personne a dit ça. Et il mentionne des versets à ce sujet-là. Il mentionne le verset 68 dans Surat Al-An'am. Le verset dit, quand tu vois ceux qui pataugent, hein, qui discutent, hein, ou qui rentrent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Hein. Et si le diable t'a fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Hein. Donc tu ne dois pas rester avec ces gens-là lorsqu'ils commencent à se moquer de l'islam et de la religion. Et ça c'est en particulier, je ne sais pas si, bon, par exemple des fois il y a des gens qui sont dans des familles où les gens ne pratiquent pas l'islam, ou bien dans les familles même non musulmanes, hein, des fois tu es converti, ta famille n'est pas musulmane, et là tu t'assois avec les gens de ta famille, et puis ils commencent à se moquer, commencent à dire des choses en moquerie contre l'islam et la religion, donc tu ne dois pas t'asseoir avec eux quand ils se moquent de la religion, tu dois les quitter, hein, et tu ne dois pas être complice avec eux. La même chose si tu es dans une famille où le père, la mère, les frères, les soeurs, ils pratiquent pas la religion et ils commencent à se moquer des aspects de la sunna, commencent à se moquer de ton apparence parce que toi tu portes la barbe ou parce que tu suis la sunna. Et par exemple, il y a une soeur qui est dans une famille comme ça, puis les membres de sa famille commencent à se moquer de ça, eh bien elle ne doit pas rester à ce moment-là quand ils commencent à se moquer, on doit s'écarter dans des situations comme ça. Et pas rester avec les gens qui décident de se moquer de la religion. Ou même des fois, tu vas dans des conférences où certains moutas des ayanats qui font des blagues contre la sunna et qui se moquent de l'islam, et qui pensent qu'ils appellent à l'islam alors qu'ils se moquent de l'islam. A'udhubillah. Donc, quand tu entends des gens comme ça qui sont dans des conférences comme ça et commencent à se moquer de la religion, eh bien, tu dois t'objecter et tu dois dire quelque chose, mais si tu peut pas, ben tu sors et tu restes pas avec ces gens-là au moment où ils sont en train de se moquer de la religion. Puis je sais pas, il y a des frères qui ont fait un truc audio sur internet qui mentionnait les paroles de Hassan al-Hussein où ils se moquaient par exemple de l'habillement, hein, comme le turban puis la barbe puis le qamis et des trucs de ce genre, puis ils se moquaient de certaines choses de la religion de cette façon. Donc quelqu'un qui assiste au discours d'une personne de ce genre et qui voit que la personne se moque de la religion musulmane de cette façon, eh bien il ne doit pas rester dans de telles conférences, bien entendu, il doit sortir et s'éloigner de gens pareils. Ensuite il mentionne le cheikh un autre verset, comme le verset 140 dans Sourate An-Nisa. Verset 140 dans Surat An-Nisa qui dit « Dans le livre, il vous a été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, d'Allah, et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Donc ça veut dire que, si quelqu'un reste assis avec ces gens-là pendant que ces gens-là parlent de ces choses-là, alors il est un de ces gens-là, il est calculé parmi eux. Hein. Et le cheikh dit donc que ça montre que la personne qui ne s'objecte pas puis qui rejette pas l'insulte contre Allah ou l'insulte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ou l'insulte de la religion, ou l'insulte des ulama, qu'il est comme la personne qui l'a insulté, et il est égal avec lui, dans la même catégorie que ces gens-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué le péché de s'être moqué, ou le fait de s'être moqué de la religion, à tout le groupe qui était présent, malgré que la personne qui avait fait la blague, c'était une seule personne parmi eux. فهذه الآية فيها عبر وأحكام عظيمة فيها عبر وأحكام عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملها ويتدبرها لئلا يقع في شيء مما حذرت منه. وهذه الأمور كثيرة في الناس اليوم، فالاستهزاء بالدين والعلماء والاستهزاء بالسنة والقرآن كثير. ويقولون الكتاب والسنة لا يصلحان في هذا الوقت، والسنة لا يحتج بها لأنها من نقل الرواة، كما أن الخبر الواحد لا يحتج به، وغير ذلك من المقالات الشنيعة. الشيخ الذي كسفرسلا il y a dedans beaucoup de leçons à tirer et beaucoup de règles à prendre. Et c'est important pour le musulman de méditer et de réfléchir sur l'essence de ce verset-là pour ne pas tomber dans ce que le verset nous avertit de ne pas faire. Donc, le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de choses de ce genre à notre époque, beaucoup de gens qui se moquent de la religion à notre époque, et la moquerie contre la religion et contre les ulama et contre la sunna et contre le Coran sont nombreuses. Et quand on dit par exemple de se moquer contre l'islam, de se moquer de l'islam ou de la religion, c'est pas uniquement de se moquer contre le Coran, la sunna et contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais si les koufars par exemple ils se moquent de Isa ibn Maryam ou ils se moquent de Moussa alayhi salam, c'est la même chose, ça fait partie de nos prophètes, c'est des prophètes de l'islam. Et donc si quelqu'un se moque de ces prophètes-là, c'est comme s'il s'est moqué du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on n'a pas le droit de rester présent lorsque des gens commencent à se moquer des messagers d'Allah ou de la religion en général. Et parfois même des fois les musulmans entre eux, on s'assoit et on discute, et il y a des blagues qui commencent à se faire entre nous parfois, et on veut parfois se taquiner ou des trucs comme ça, et il faut faire attention de ne pas dépasser la limite dans les blagues. On a le droit de faire des blagues entre nous tant que ça ne dépasse pas la limite de ce qui est permis, et de ne pas tomber dans justement le fait de commencer à se moquer de la religion sans même qu'on s'en aperçoive, parce que c'est très très sérieux ces choses-là. Et le cheikh il dit qu'à notre époque, donc il y en a des gens qui se moquent du Coran et de la Sunna, il y en a qui disent que le Coran et la Sunna ne s'appliquent pas aujourd'hui, et que la Sunna on ne peut pas l'utiliser parce que ou la prendre comme preuve parce que soi-disant elle est rapportée par des narrateurs, et que les narrations qui sont rapportées par peu de narrateurs, on ne peut pas les prendre comme référence, et des trucs de ce genre. Ces paroles-là sont rapportées par des gens de bid'ah, ils rapportent ces choses-là. Donc il faut faire attention à ces choses-là, à ces points-là. Puis après il dit « وَكَذَلِكَ مِمَّا يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ » ويذاع يعني les kuffars c'est ça, ils font des trucs à la télévision, ils se moquent d'Isa alayhi salam, ils se moquent de Moussa alayhi salam, ils font des films sur les prophètes, ils se moquent de la religion, ils font des caricatures contre les prophètes, ils font des caricatures contre la religion, des trucs de ce genre, tout ça. Et allez, ça montre qu'ils ont aucun respect pour la religion. Et qu'est-ce que ça fait ça dans le cœur des gens qui voient ça, dans le cœur des gens qui regardent ça, qui sont témoins de ça, et qui réagissent pas, yani, ça fait en sorte que ça fait quoi? Ça fait comme conclusion ou conséquence, ça fait que les gens commencent à perdre leur respect envers la religion, à la longue. Et c'est ce qui est arrivé ici, en Europe et ailleurs, yani, quand les gens ont commencé à faire des moqueries sur la religion, et sur les prêtres, et sur l'église, même s'ils étaient probablement justifiés parfois dans le fait qu'ils se moquaient des prêtres et des trucs parce que c'est des gens qui mentent contre Dieu et contre la religion, mais c'était une façon qu'ils ont utilisée pour combattre la religion. Maintenant, ils essaient de faire ça maintenant dans les pays musulmans et imaginez, Allah al-Musta'an, il y a des groupes parmi les Ikhwan, Ikhwan al-Muflisin, on les appelle l'Ikhwan al-Muflisun, Allah al-Musta'an, ils ont organisé maintenant des, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est des gens qui se mettent devant une audience et ils commencent à faire un monologue sur un sujet pour faire rire les gens qui sont devant eux. C'est des comiques qu'on les appelle, des comiques. Eh ben, ils ont fait maintenant des comiques islamiques. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. En tout cas, au Canada puis aux États-Unis, maintenant c'est connu maintenant. Ils font des spectacles comme ça. Des sketchs, ouais. Tu vois l'homme qui est en apparence musulman, hein. Il a un nom musulman, il a la barbe, le taqiyya, tout. Même le qamis, il se met sur la scène et vous avez un truc qui s'appelle le bourget, que c'est les Ikhwan musulmans, les frères musulmans qui organisent ça. Eh ben, au Canada, il y a la même chose, aux États-Unis, il y a la même chose, hein. Sauf que ça s'appelle pas Bourget, c'est un autre endroit, et c'est plus grand encore que ce qui se fait en France ici. Et là, ils organisent des spectacles, des grosses affaires, et là, vous voyez les femmes et les hommes assis ensemble, et puis, là, ils commencent à faire des blagues sur les musulmans et sur l'islam, hein, pour faire rire les gens. Et il y a des gens qui veulent, par exemple, soi-disant, ils veulent dénoncer certaines chose qui se passe par exemple dans la communauté musulmane et ils commencent à faire des blagues. Puis des fois ça peut tourner à la dérision même contre la religion. Il faut faire attention à ces choses-là. Hein. De faire commencer à faire des blagues et des moqueries. Et il y a une question qui est posée là-dessus qui est posée au cheikh à ce sujet-là. Puis il répond justement à ce sujet-là. Donc on va lire tout à l'heure, inshallah, la réponse à ce sujet-là. يزي وكذلك ما يكتب في الصحف ويذاع أو يبث في وسائل البث من تنقص دين الإسلام والاعتداء عليه الشيء الكثير فلو كان هذا من الكفار لكان لهان الأمر لأنه ليس بعد الكفر ذنب ولكن المشكلة أن هذا يحدث ممن ينتسب إلى الإسلام ويدعي العلم أنه يتنقص الأحكام الشرعية والآيات والأدلة الشرعية وأنها ظنية لا تفيد العلم وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة أو الكلام في العلماء والوقيعة في أعراضهم وأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم علماء سلاطين ومداهنة وما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يرددونها ويكتبونها مما لا يخفى وكل هذا داخل في معنى الآية الكريمة وعلى صاحبه من الوعيد ما ذكره الله في هذه الآية والله تعالى ذكر أن الكفار يسخرون من المؤمنين ويتنقصونهم قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يصفون المؤمنين بأنهم ضالون ويصفون هذا الدين بأنه ضلال ويقولون هذا دين يعوق عن المدنية والرقي والحضارة وما أشبه ذلك من المقالات وأنه لا يصلح لهذا الزمان. لشيخ الزي aussi on voit on lit qu'est-ce qui est écrit dans les journaux, qu'est-ce qu'on entend à la radio, qu'est-ce qui passe dans les médias, hein, toutes sortes de choses qui sont des insultes contre la religion, des insultes contre l'islam, et des façons de rabaisser la religion de l'islam et de s'attaquer à l'islam. Ça, on en voit beaucoup. Et le cheikh, il dit que si ça venait des koufars, ce serait quelque chose de, ce serait pas grave. Le problème, c'est que, le cheikh, il dit, ça serait pas grave de voir ça de la part des koufars parce que après le kufr, il n'y a plus de péché, il n'y a rien de pire que le kufr, et eux, ils sont dans le kufr. Donc, ce serait quelque chose de négligeable, mais toutefois le problème c'est que ça se fait de la part de gens qui se disent musulmans et qui se disent savants de l'islam et qui commencent à rabaisser les règles de la charia et commencent à jouer avec les versets et les hadiths et dire que non, ça ne sert pas à amener la certitude dans le cœur ou la connaissance ou des trucs de ce genre. Et donc, ou bien qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent contre les ulama, ils parlent contre les ulama et ils parlent contre l'honneur des ulama, ils attaquent l'honneur des ulama et ils disent que ce sont des ulama de haïd et de nifas, des menstruations et des écoulements des femmes qui connaissent juste ces choses-là, ou bien que ce sont des savants qui sont soumis aux dirigeants et aux dictateurs, comme ils disent. Et ils disent aussi que ce sont des savants qui transigent, qui font des compromis pour la religion parce qu'ils veulent la dunya ou des choses de ce genre. Donc toutes ces paroles-là qu'ils répètent et qu'ils écrivent, ça c'est des choses qui sont connues, que ces gens-là disent ces choses-là. Et tout ça, ça rentre dans la signification du verset qu'on a mentionné, de ceux qui se moquent de la religion et qui se moquent de l'islam et qui ont quitté l'islam à cause de ça. Et le cheikh il dit que à la base de se moquer des croyants, c'est la caractéristique des kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans sourate Al-Mutaffifin. Dans sourate Al-Mutaffifin, vous voyez dans le verset 29 et jusqu'à 32, une clarification, une description de ce que l'attitude des kuffars envers les musulmans, lorsqu'ils voient les musulmans. Le cheikh il dit, les criminels riaient de ceux qui croient. Subhanallah, aujourd'hui vous voyez par exemple des gens qui se disent musulmans, puis quand ils voient des musulmans qui portent le qamis, la barbe, et qui sont avec leurs femmes, qui sont avec le djilbab et le sitar et tout, eh bien ils les voient dans la rue, commencent à se moquer d'eux, commencent à dire « Ah regardez, ça c'est des égarés, c'est des intégrés, c'est des fous, c'est des perdus, c'est des gens malades » et des trucs comme ça. Donc le cheikh il mentionne ce verset-là, les criminels riaient de ceux qui croyaient. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, ils se jettent des regards entre eux, comme s'ils marchent et ils voient un musulman et là ils se regardent, regardent l'autre comment il est, des choses comme ça. Et retournant dans leur famille, ils retournent en plaisantant, ils retournent chez eux, ils parlent, t'as vu celui-là, t'as vu comment il fait, t'as vu comment il s'habille, t'as vu sa femme, t'as vu ci, t'as vu ça, donc des exemples comme ça. Et en les voyant, ils disent, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Pour eux, les égarés, c'est les croyants. Donc, ça c'est un exemple de l'attitude de ces gens-là, comment ils se moquent des croyants. Yassifoun al-Mu'minin, ils les décrivent comme étant des égarés. Ils décrivent les croyants comme étant des égarés. Et ils décrivent cette religion-là comme étant un égarement. Et il y en a qui se font leur propre religion islamique dans leur tête. Dire, ah non, mais pour moi, l'islam, moi j'ai une belle image de l'islam, pour moi l'islam c'est l'amour, pour moi l'islam c'est les valeurs universelles, pour moi l'islam c'est ci et c'est ça. C'est-à-dire, il s'est fait son propre islam dans sa tête, un islam imaginaire qui n'a rien à voir avec le Coran, qui n'a rien à voir avec la Sunna. En fait, cette religion-là qu'il croit en lui, qu'il s'est imaginé dans sa tête, t'as même pas besoin d'une révélation pour y croire parce que tu peux la connaître avec soi-disant ta raison. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'obligation dedans. Tu fais ce que tu veux, c'est ça sa religion. Donc, Allah al-Musta'an, c'est ça son islam. Et donc, ils disent, ah, mais ces gens-là, ces intégristes, qui veulent nous dire que tout est interdit, que si et ça, ça c'est pas la religion. Nous, on a été élevés dans nos pays, on a connu un autre islam où il y a la liberté, il y a l'ouverture, il y a tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc, eux, ils se basent sur ce qu'ils ont connu, s'ils ont grandi dans des familles soufies ou des familles laïques, où les gens connaissent presque rien de la charia et qu'ils appliquent presque rien de la charia, et donc par la suite ils se basent là sur leur éducation ou leur tradition personnelle, et ils veulent penser que ce qu'ils ont connu eux c'est ça l'islam, et que si on leur amène quoi que ce soit de ce qui est différent de ce qu'ils ont connu eux, alors pour eux ça c'est de l'extrémisme et que ça fait pas partie de la religion, et donc ils se moquent des gens qui appellent à revenir à la sunna et à l'islam réel. Et donc ils disent que cette religion-là qu'on suit, c'est de l'égarement, et que c'est une religion qui est un frein à la modernité, un frein à l'évolution, un frein à la civilisation, et tout autre genre de paroles qu'ils peuvent répéter pour essayer de faire croire aux gens que cette religion-là n'est pas compatible avec l'époque moderne ou des trucs de ce genre. On va s'arrêter dans quelques minutes, inshallah. Le Cheikh dit, وكذلك يستهزئون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنها قشور كإعفاء اللحية وحف الشوارب ويقولون أنتم مشغولون بالقشور وأن استعمال السواك من القشور وإن إنكار الإسبال للثياب من القشور ويقولون دعوا الناس يلبسوا ما يشاءون وأن سفور النساء من الكمال وأن الحجاب من القشور إذا ماذا بقي؟ صار الدين كله قشور قشورا بل إنهم يقولون إن الشرك وعبادة القبور من الأمور الهينة وهذه عقيدتهم وهم أحرار في عقيدتهم وهذا من احترام الرأي الآخر وهم مجتهدون ولا تغلظوا ولا تنكروا عليهم وكل هذا يقال الآن وهذا لا شك أنه محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتنقص لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فماذا كان القرآن جاء بالقشور فإذا كان القرآن جاء بالقشور والسنة جاءت بالقشور فماذا بقي الشيخ يقول en fait à ces gens là il dit aujourd'hui il y a des gens qui se moquent de la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et qui disent que tout ça c'est des choses futiles, des choses qui sont parce que le kushur c'est quoi, c'est la pleure, ok, il y a, comme par exemple quand tu parles d'un fruit, il y a le kushur, puis il y a à l'intérieur il y a le loup, donc eux ils disent qu'est-ce qui est important, c'est le cœur, c'est l'esprit, et c'est pas les choses à l'extérieur, l'apparence, donc ils disent tout ça c'est des choses extérieures, c'est des choses futiles, c'est la pleure de l'orange, c'est pas le cœur, l'épluchure vous dites. On dit la pleure. En tout cas, c'est pas grave. On se comprend, Inch'Allah. Donc, c'est pour dire que pour eux, c'est quelque chose de secondaire. C'est pas ça l'essentiel de la religion. Donc, pour eux, par exemple, d'utiliser le siwak, ça c'est un détail, c'est pas important. De pas laisser traîner ses vêtements en bas des chevilles, ça c'est un détail, c'est pas important. Ils disent, laissez les gens porter les vêtements qu'ils veulent. Laissez les femmes laisser les femmes porter ce qu'elles veulent comme vêtements, même si elles se couvrent pas comme il faut avec le hijab, c'est pas important ça. L'islam, l'important c'est le cœur, l'important c'est l'intérieur, l'esprit, c'est pas l'apparence, soi-disant. Laissez les femmes marcher à moitié nues, c'est pas grave, alhamdoulilah. Donc, ils disent tout ça c'est kushur, c'est des détails, des choses insignifiantes pour eux. Et ils disent même ça à propos du shirk et de l'adoration des tombes, quand des gens vont faire le shirk, ils disent ah ça c'est pas grave, allez c'est des gens, laissez, tout le monde est libre de croire comme il veut, laissez les gens, ça c'est respecter comment ils disent, respecter l'opinion de l'autre, il faut apprendre à respecter. Moi j'ai mon opinion, toi ton opinion, et je respecte ton opinion, tu respectes mon opinion. Ça c'est l'attitude aujourd'hui de mudahana, d'essayer de faire plaisir à l'autre. Tu veux pas que la personne te rejette ou te réfute, t'as peur que la personne commence à te dire que qu'est-ce que tu fais c'est pas bon, alors tu essaies de l'amadouer en disant écoute je respecte ta position et tu respectes ma position. Non, on respecte la vérité. Si ta position c'est la vérité, je la respecte. Mais si ta position est contraire à la vérité, je la respecte pas, peu importe, parce que la vérité elle vient d'Allah. Elle vient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette attitude-là de dire, ah ben toi tu penses comme ça, bon, ça c'est ton opinion, moi je pense comme ça, puis respecte mon opinion, ça se dit dans des choses qui ont rapport avec la nourriture, les trucs comme ça, comme par exemple, toi t'aimes les pommes, moi j'aime les bananes, ok, ça c'est correct. Mais quand on parle de deen, qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba, là il n'y a pas d'histoire de je respecte ton opinion, tu respectes mon opinion, c'est une question de respecter le haqq et respecter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des musulmans maintenant, ils ont hérité ça des kuffars. Respecte mon opinion, respecte mon opinion. Non, c'est pas une opinion, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important de comprendre ça. Et eux, ils disent que, ah ben ils ont fait des efforts, ils se sont trompés ou des trucs comme ça, il ne faut pas les dénigrer, il y a ni des choses comme ça, ou il ne faut pas faire d'inkar contre eux, il ne faut pas dire que, il ne faut pas s'objecter ou réfuter ce qu'ils font, etc. Et le chef, il n'y a pas de doute que cette attitude-là, c'est une attitude qui indique une opposition à Allah et à son messager et un manque de respect envers le livre d'Allah et envers la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que si le Coran n'est venu qu'avec les couchots, des choses futiles et insignifiantes, et que la sunna n'est venue qu'avec des couchots, des choses secondaires, alors qu'est-ce qui reste? Si le tawhid c'est un détail et tous les autres règles de la sharia c'est des détails, alors qu'est-ce qui reste dans la religion, hein? Ça c'est quelque chose de grave. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, et puis on continue après la pause. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.